salope. Elle aime toutes les billes dans son cul. Salope. Elle en veut du jus. C'est la salope. Elle écarte les cuisses, la salope. Les cuisses, la salope. Elle veut trop jouir partout. Quand je l'ai vu, j'ai passé la peau. Fallait lui en venir, lui en donner la salope. Salope. Jamais rassasié. Qu'est-ce que c'est qu'il fait tout ce bruit dans ce monde? Oh, oh, oh, oh, un truc qu'on voit pas. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit dans ce monde? Oh, oh, oh, oh, un truc qu'on voit pas. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est qu'il fait tout ce bruit dans ce monde? Un truc qu'on voit pas.